Marcher dans la rue tête basse, cœur brisé. Je connais, je le fais sans arrêt, sans arrêt. Se dire qu'on n'est pas bien, qu'on sert quasi à rien. Un qui coule sur la joue, mais c'est pas nous, c'est pas nous. Un jour ou l'autre, il faudra bien reprendre le dessus sur cet autre qui nous plombe. Qui nous tombe. Un jour ou l'autre, il faudra bien se dire qu'on a tant de vie à vivre que demain est là pour ça. Se prendre la tête à réfléchir sans queue ni tête, passion désespérée et tout le reste. Imaginez quoi espérer, vouloir partir sans compter, oublier, respirer un instant sans penser, sans penser. Un jour ou l'autre, il faudra bien lever la tête vers le ciel et se dire que c'est beau et qu'on est bien. Un jour ou l'autre, il faudra bien lever les yeux, se remettre à marcher droit devant en avant, ensemble vers demain. Moment dur à passer, tout ce qui nous plombe, nos hécatombes ne font que nous faire avancer. Question de raison et de saison, tout n'est pas noir ou blanc, il y a des valeurs, des courants, oui, mais... Oui, mais... Un jour ou l'autre, il faudra bien se remettre en scène et refaire espérer ces lueurs dans nos yeux, ce bonheur juste à deux. Un jour ou l'autre, il faudra bien se remettre à danser juste pour se prouver qu'on n'est pas seul au monde et que la terre est bien ronde. Un jour ou l'autre, il faudra bien penser à chanter, à plein poumon, à pleine voix, crier son désarroi, nous remettre en émoi. Un jour ou l'autre, il faudra bien mettre de côté, sans oublier, sans renier, mais vivre avec, pour se prouver qu'on sait exister.